Shiaba tunakuya Seigneur kumbele yako. Nous voici encore dans ta présence. Pakasa vile shiku munyumba Corneille Pierre arifikaka. Comme ce jour-là dans la maison de Corneille Pierre était arrivé. Seigneur shiaba tunakuya pour entendre les choses que tu as prescrites. Nous voici encore venir jua kusikia vitu bila uriandika. Utubariki Seigneur. Bénis-nous Seigneur. Utunze manafsi yetu. Guéris nos âmes. Tunza mili. Guéris nos corps. Na upate kuditukuza Seigneur. Et glorifie toi Seigneur. Parce que unasema ndani ya neno lako. Parce que tu parles au travers de ta parole. Tu ne changes jamais. Kule moya moya jana le wata milele. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Uifanye njua kafumwa jina lako. Fais-le pour la gloire de ton nom. Mujina abe abone Jesus Christ. Au nom précieux du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Jérémie 8. Jérémie sura munane. Verset 18. Nous commençons par là. Yakumi na munane. Je voudrais soulager ma douleur. Napenda kupunguza maumivu yangu. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Moyo wangu unaugua ndani yangu. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Tazama malalamiko ya binti wa taifa yangu inalia toka inchi ya mbali. L'Éternel n'est-il plus à Sion? Eti wa milele anatena Musayuni? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Oui, binti anatena na mufalme katikati wayo. C'est-à-dire Sion n'a plus son roi au milieu d'elle. Eti Sayuni anatena na mufalme katikati yake. La moisson est passée, verset 20, la moisson est passée. Mavuno inechapita. L'été est fini. Wakati ya kifuku tuisha malizika. Et nous ne sommes pas sauvés. Alakini atuokolewe. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Mimi naumizwa kwa maumivu ya binti wa taifa yangu. Moyo nenivunjika. Je suis brisé. Mina vunjika kupitia moyo kwa maumivu ya binti wa taifa langu. Mon cœur je est suis brisé. Dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Niku katika uzuni na oga inanishika. N'y a-t-il point de bon en Galade? Eti akuna dawa mule mugaladi? N'y a-t-il point de médecin? Eti amuna banganga? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alakini jua nini basi matunzo ya binti wa taifa yangu haifanike? Mungu abariki sehemu ya neno. Que Dieu bénisse la portion de l'écriture. Ni tangia jana tuanza mahubiri inaitwa pourquoi juu ya nini? C'est depuis hier que nous avons commencé cette prédication intitulée pourquoi? Au hakuna dawa ku Galadi? Ou il n'y a-t-il pas de bombe en Galade? Tutasema hivi njuu ya kurapele kenye tulisema jana. Nous allons dire ceci pour rappeler ce qu'on a dit hier. Mukingilio mirisoma masitation mbiri ya Frère Branham. À l'introduction, j'ai lu des citations de Frère Branham. Moya iko mu du bon Mangalade ya 59. L'une se trouve dans du bon Mangalade de 1959. Ya pire iko mu pourquoi paka ya 59. La deuxième citation est dans le pourquoi du 1959. Ima ubiri, Frère Branham a ubiri plus ou moins 12 fois. J'ai dit que cette prédication, Frère Branham l'a prêché pendant presque 12 fois. Ma fashingine a réintitulé pourquoi. En d'autres endroits, c'était ma fashingine a réintitulé du bombe en Galade. Et à un autre endroit, c'était intitulé du bombe en Galade. Mouma ubiri yote vila rubiri. Dans toutes ces prédications qu'il a prêché, Roya Mungir Kwan a posé. Question. L'Esprit de Dieu est posé une question. Mungu alikuwa anajiuliza. Dieu s'est posé la question. Njuu ya nini? Pourquoi? Yesa Mungu. En tant que Dieu. Mukona atari ile ikuna kwa kumbele mumaisha frère au sœur. En voyant les dangers qui couraient devant un frère ou la sœur. Magumu ile ikuna kuya kumbele mwenda shiku. Les difficultés qui venaient au fil des jours. Maintenant Mungu anatayarisha kufasha kubatu kuchimbiria. Dieu avait créé une issue par laquelle vous pouvez échapper mububaya, pour que tu ne puisses pas arriver dans ce malheur. Usipate kwenda kupatikana mwile ole. Pour que tu ne te trouves pas dans ce danger. Mungu anajiuliza. Dieu se pose la question. Anatayarisha fasha kuchimbiria. Il a disposé un endroit de refuge. Menani juu ya nini bantu beko na katala? Et alors pourquoi les gens refusent ce refuge? Parce que Mungu jo Mungu anayo mwisho avant mwanzo. Puisque c'est Dieu seul qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Alors nikuna mshangaisha. Cela l'étonne. Attitude ya shi bantu. L'attitude de nous les humains. Na ilifika ni mwakati ya Israel. C'était arrivé aussi du temps d'Israël. C'est à cette époque. Limu kanisa ya Mungu mujeso Kristo. Amen. Tunamshukuru tena Mungu kwa mapendo yake anatufanyia. Kwa l'amour qu'il nous a accordé. Anatuchunga shibo te bazima. Il nous a gardé tous en vivant. Tunasema jina la Bwana alipewe sifa. Nous disons que le nom de l'Éternel soit loué. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Na bila kugawia tutasimama. Sans tarder, nous allons nous mettre debout. Utabeba kitabu kietu kia wafalme wa pili. Nous allons prendre notre livre de deuxième roi. Sura ya kwanza. Chapitre 1. Mustari wa kwanza. Premier verset. Deuxième roi, chapitre 1, verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Japo Akazia akanguka toka dirisha ya chumba yake ya pale juu kule ku Samaria. Et il en fut malade. Na akagonja juu ya ile. Il fit partir des messagers et leur dit. Akatuma wajumbe na kuambia. Allez consulter Baal-Zebub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mwendeni muulize Baal-Belzebul. Mungu wa Ekroni juu ya kujua kama mimi tapona wala takufa kwa magonjwa. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite. Alakini malaika wa milele akamwambia Elia mutishipi. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Ulamuke wendo kutane na bajumbe ba mfalme wa Samaria na uambie hivi. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zebub, Dieu des crons? Eti ni ya kwamba mwisraeli amuna Mungu njo muende mkaulize Baal-Zebub, Mungu wa Ekroni? Kantik. Tumia mwimbo korali. Mwamba nguvu. Nous allons prier tous ensemble. Utilise-les comme un micro qui parle de ta part afin que cela puisse donner la vie. Si tu les laisses parler seul, ça va apporter l'amour. Mais si toi, Dieu, tu empruntes ta bouche pour nous parler, ça va nous donner la vie. Et ça va nous bénir. Seigneur, ça aura chanté. C'est pourquoi nous avons une création de ta présence. Disposons de les faire de chaque frère et chaque soeur. Nous sommes à l'écouter ce moment. Nous écoutons notre chanson. Thank you. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Utaikala. Nous allons nous asseoir. Tuko napenda kuongea neno ya Mungu. Nous allons parler de la parole de Dieu. Tulianza kusema depuis jana. Depuis hier on disait. Ya kusema tumaini ya mtoto ya Mungu iko ni kwa Mungu. Que l'espoir de l'enfant de Dieu se trouve en Dieu. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons entendu comment les Syriens avaient ligué des complots. Comment ils voulaient attaquer Israël. Mais le Dieu d'amour, qui a aimé son peuple, il avait son serviteur Élisée. C'est celui-là qui révélait tous les complots qu'on complotait contre Israël. Mais l'homme de Dieu, il a sorti les gens pour aller voir les rois d'Israël. On lui a dit, il ne faut pas passer par là. On a déjà tendu des pièges. Et les rois d'Israël, il avait sorti les gens. Ils sont allés conformément à la parole des prophètes. Lorsque l'armée des Syriens venait pour frapper Israël, ils sont trouvés Israël était à sa garde. Ceux qui avaient fait cela, c'est parce qu'Israël avait Dieu. Si nous aussi nous avons Dieu, Dieu, il va nous avertir de tous les dangers. Il va combattre pour nous. Parce que c'est un Dieu de sa parole. Dieu, lui ne peut pas s'opposer. Dieu, il n'est pas un homme. Si Dieu, il nous a appelés pour le salut, nous devons certainement recevoir le salut. Si Dieu nous a appelés ici, pour nous guérir, certainement il va nous guérir. Ce que Dieu nous demande, c'est à ce que nous qui croyons en lui, que nous puissions espérer en lui, qu'on mette notre confiance en lui. Lorsque vous espérez en Dieu, c'est Dieu du ciel. Il agira des merveilles. Dieu avait combattu pour Israël. Nous avons suivi les Écritures. C'est seulement Israël. Nous aussi, nous sommes Israël spirituel. Si nous parlons d'Israël charnel, il faut te placer à cet endroit, disant que les tentations, peu importe que ça, cela arrive, je ne serai pas inquiet. Nous avons un Dieu. Notre Dieu parle. Même dans les rêves, Dieu peut parler dans les songes. Notre Dieu n'est pas un niwe. Notre Dieu parle. Au travers même des songes, Dieu te montrera par les songes. Notre Dieu est vrai. Regardez en Israël. Il y avait les rois Akab. Lorsque ces rois, c'était un méchant roi. C'était un roi qui ne connaissait pas Dieu. C'était un roi qui adorait les idoles. Les Moabs s'étaient mélangés avec les Israël. Lorsque les rois étaient morts, il s'est passé les rois Uzia. Les Moabs avaient quitté Israël. Ils sont partis. Ces rois Uzia, Azia, c'est Dieu qui l'avait placé comme roi. Toi aussi et moi. C'est lui qui nous a appelés pour devenir enfants de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui t'a appelé toi. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par notre force. C'est par son amour. Ce que tu dois faire, c'est seulement espérer en Dieu. Dans toutes choses, mon frère. Dieu, il ne faut pas l'aimer seulement dans la joie. Même dans les difficultés, il ne faut pas l'abandonner. Dieu, il a confiance à ses enfants. Ceux qui espèrent réellement en lui, Il y a des faux adorateurs. Il y a aussi des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a d'autres adorateurs ici. Tu as encore des idoles. Ils adorent les idoles de leurs coutumes. Parce que les prophètes disent chaque tribu ah, sa coutume. Chaque tribu a ses idoles. Mais toi, enfant de Dieu, si vous croyez en Dieu, tu dois sortir de ta coutume, de ta tradition. Tu dois abandonner tes idoles. Il faut abandonner l'habitude de ta famille. Lorsque vous croyez en Dieu, tu n'es plus un runda. Tu n'es plus un chokwe. Tu deviens un chrétien. Tout ce que tu as à faire, il faut le dire à Dieu. Dieu, il devient maintenant ton chef, ton Seigneur. Il est notre chef. Quittons, abandonnons les idoles traditionnelles. Il ne faut pas compter confiance. Il ne faut pas espérer dans des idoles de nos ancêtres. Espérer en Dieu d'Israël. C'est celui-là qui fait des merveilles. Regardez les rois. Il était sur sa maison. Il était sur sa tour de la maison. Il est tombé au-dessus de sa maison. Il s'est fracturé. Il était malade jusqu'à mort. Il a appelé des messagers. Il leur a dit ceci. À cette maladie que j'ai contractée, je n'ai plus d'espoir. Je ne sais pas si je serai guéri. Allez consulter les dieux de Rome. Si je serai guéri de cette maladie ou quoi? C'est pourquoi mon frère, peu importe la maladie qui ma soeur, peu importe la maladie qui peut t'attaquer, espère seulement en Dieu. Prenez tes besoins. Venez avec cela ici. Tu auras une réponse. Tu seras guéri. Notre Dieu est vrai. Ces messagers sont partis. Ils allaient consulter le Dieu Belzéboul. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. S'il y a quelqu'un qui est jaloux, c'est Dieu. Il ne fait pas qu'on adore une autre Dieu. Il voudrait qu'on adore lui seul. Peu importe les difficultés que tu peux avoir. Si tu accours au devant de Dieu, tu auras une solution. Et Dieu au ciel va se réjouir. Dieu était inquiet. Il était inquiet. Je vous entends. Que Dieu vous bénisse. Il a envoyé des messagers. Les messagers sont partis. Pour qu'ils puissent consulter d'autres idoles, d'autres dieux. Parce que Dieu avait dit à Israël, toutes les difficultés que vous pouvez avoir, il faut les amener en moi. Moi, je vous donnerai solution. Si parmi vous, il y a des maladies, faites-le me le dire. Moi, Dieu, je vous guérirai. Lorsque les messagers sont allés consulter d'autres dieux, Dieu a envoyé son ange à son serviteur qui est Élie le Tishbite. Il lui a dit, descends sur la rue. Tu vas te croiser avec les messagers du roi. Lorsque tu vas les rencontrer, il faut les arrêter. Tu leur poseras la question en disant, Seigneur Dieu dit ceci. Le Dieu d'Israël a dit ceci. Pourquoi vous allez consulter d'autres dieux? Le dieu de Belzéboul. Le dieu de Cron. Est-ce qu'en Israël, n'y a-t-il pas de dieu? Pasteur, sois en belle page. Tuache miungu yetu ya zamani tuiache. Abandonons nos anciennes dieux. Les idoles de Kachoko, les habitudes de Choko, prenons l'habitude de Dieu. Les véritables adorateurs. Ce ne sont pas les gens qui viennent. Mukibanda na balozi beko na kuya. Même les sorciers peuvent venir aussi. Na benzi beko na kuya. Même les voleurs peuvent aussi venir. Mama dawa beko na kuya. Les gens qui ont des fétiches peuvent Mungu venir. Mais Dieu. Beko na lomba. Il demande. Ba abudu ba kweli. Les véritables. Beni kuabudu Mungu katika roho na kweli. Qui adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Parce que hapa. Parce qu'ici. Hakuna polisi wa mwenzake. Il n'y a aucun policier contre hapa. Personne ne va pas chercher ce qui va pas chez nous. Notre policier à nous tous. Ni roya mutu. C'est seulement l'esprit de l'homme. Roya konjo polisi wa dakwe. Ton esprit à toi, c'est ça, ton ndo policier. C'est lui qui connaît tout ce que tu fais. Tu vas consulter d'autres dieux. C'est ton esprit seul qui te connaît. C'est lui le témoin. Ce n'est pas nous qui allons confirmer que tu es l'enfant de Dieu. C'est ton esprit seul qui va t'attester qui tu es enfant de Dieu. Comment est-ce que tu seras enfant de Dieu? Est-ce que tu accours à Dieu à tout moment? Amen. Amen. Amen. Chaque coutume, chaque tribu a ses caractères. Il y a d'autres tribus. Ils veulent consulter des différents dieux. Aujourd'hui, chez les 30e, tu vas consulter. Chez les Kimbangu, il va consulter. Mais l'enfant de Dieu, c'est lui qui espère en Dieu. Il ne peut pas errer ça et là. Tant que Dieu, il a ses serviteurs. Amen. C'est comme ça, mon frère. Ah. Notre foi n'est pas ballottante. Même si tu n'écoutes pas la radio. Mais si tu écoutais le Seigneur de Dieu parler, venez. Venez chez moi. C'est moi qui guéris. C'est moi qui donne la. Celui-là, c'est un faux. C'est lui qui donne les enfants, c'est Dieu. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Si vous allez là-bas, en fin de compte, il va te demander l'argent. En fin de choses, il te dira il faut remercier Dieu. Mais Jésus, il guérit gratuitement. Il te donne les enfants gratuitement. C'est lui qui a la paix éternelle. Amen. Lisez, pasteur. Verset 3. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu de Cron? Ni Dieu en Israël, dans cette cité de Cambodge. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de Dieu ici? Est-ce que dans cette église de Cambodge, il n'y a-t-il pas de Dieu? C'est une question, mon frère. À cause de là où tu es en train de chercher pour tes difficultés. Mais Dieu est ici. Amen. Venez ici devant Dieu. Si tu venais devant Dieu, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Si tu espères en Dieu, tu ne vas pas rentrer de la même manière que tu es venu. Tu auras des solutions. Notre Dieu est très bon. Notre Dieu est très bon. Ça dépasse même les miens. Dès que vous l'expérimentez, vous ne serez pas agité. Vous ne serez pas agité, mon frère. Parce que Dieu parle. Vous, Israël. Vous êtes entre mes mains. Vous êtes dans mes mains. Il n'y a personne qui peut vous ravir de mes mains. Si vous êtes dans les mains de Dieu. Vous êtes très heureux. Tu es quelqu'un de paix. Tu ne peux pas écouter ce que les gens disent. Même si le papa t'abandonne. Même si la tante t'abandonne. Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Espère seulement en Dieu. Dieu ne peut pas te laisser confus. Nous avons un Dieu véritable. Il pose la question. Vous, les messagers, vous allez consulter le Dieu de Belzébul. Est-ce qu'en Israël, il n'y a-t-il plus de Dieu? Lisez, pasteur. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je commande à Ivi ou à Milele à Nasema. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Auta shuka tena kukitanda kule ulipanda kwani utakufa. Il s'adresse maintenant aux messagers. Le prophète s'est rencontré avec les messagers. Il leur a dit ceci. C'est le Seigneur Dieu qui a dit. Retournez. Allez dire au roi. En disant ceci. Pourquoi? Est-ce qu'en Israël il n'y a-t-il plus de Dieu? Allez dire au roi. Sur les lieux où il est monté. Il ne va plus descendre. Il ne sera pas guéri. Il mourra certainement. Dada, ma soeur, Mungu atanasema utakufwa. Si Dieu dit que tu mourras, kama unatubu, si tu te repens, unapata buzimu, tu auras la vie sauve. Kama unajikuta kusema, si tu te retrouves que sitembee mzuri na Mungu, tu ne marches pas correctement avec kama Dieu, unatengeneza vya kweli, mais si tu repars correctement, Mungu anakuletea buzimu. Dieu va te donner la vie. Bajume banarudir. Les messagers sont rentrés. Disait pasteur. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia. Wajumbe wakarudia mbele ya Akazia. Et il leur dit. Na akawaambia. Pourquoi revenez-vous? Jianiri munarudia. Mufalme. Le roi. Du kule. Parce que là-bas. Kule ku Samaria. À Samarie. Na kule kwa Mungu wa Belzebul. Et là où se trouvaient les dieux de Belzebul. Il y avait une très longue distance. Mais c'est pas jumbe wakugawia. Maintenant les messagers n'avaient pas tardé. Ils sont rentrés promptement. Mufalme na situka. Le roi était surpris. Pourquoi vous rentrez si prochainement? Pourquoi vous êtes rentré si tôt? Ils lui ont dit, nous sommes rencontrés avec quelqu'un. Nous sommes rencontrés avec quelqu'un qui nous a dit ceci. Est-ce que vous, vous allez consulter d'autres dieux? Est-ce qu'ici en Israël, il n'y a-t-il pas Dieu? Allez dire au roi, sur les lieux où il se trouve, il ne sera pas guéri. Il mourra certes. Amen. Amen. Et le prophète dit, le roi Azia, il avait commis une grosse erreur. S'il s'était réparti, s'il l'avait découvert, il ne devrait pas mourir. Disait pasteur. Ils lui répondirent. Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu des crans? Eti ni ya kwamba Mwisraeli amuna Mungu njo mulonatuma bende bakaulize Baal Belzebul. C'est pourquoi tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté car tu mourras. Jo kwa maana utashuka ukitanda kule ulipanda kwani utakufa. Akazia leur dit. Akazia akawaambia. Quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Et ule mtu alikutana na moyo alikuwa na hali gani? Et qui vous a dit ces paroles? Na kumniambia hii maneno? Il lui répondit. Wakamjibu. C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Alikuwa mtu mwenye kuvala magozi ya manyonya na mukaba mukifua. Et Akazia dit. Akazia akasema. C'est Eli le Tishbite. Huyu ni Elia Mutishbisi. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Akatuma mbele yake mkubwa wa watu 50 na batu 50. Ce chef monta auprès d'Elie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit. Ah, huyu mkubwa akaenda mbele ya Elia ule alikuwa mwenyeketi pa nchongo ya mlima na kumwambia. Homme de Dieu, le roi a dit descend. Wewe mtumishi wa Mungu mfalme anasema ushuke. Elie répondit au chef de 50. Elia kamujibu ule mkubwa wa 50. Si je suis un homme de Dieu, kama ni kumtumishi wa Mungu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Moto ishuke toka mbingu na ipate kuchoma wewe na wale wa. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Na moto ikatoka mbingu ikamchoma na yeye pamoja na wale 50. Mungu atubariki. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous suivez correctement la Bible. Le roi n'avait pas reconnu sa faute. Il devait se repentir. C'est pourquoi la colère, c'est les démons. Et l'enfant de Dieu ne se risque pas. Même si la parole te fait mal, même si la parole parle, touche à ce que tu as fait, l'enfant de Dieu va s'humilier et tomber à genoux. Si tu reconnais Dieu, Mungu anakusame. Tu vas te pardonner. Dieu n'aime pas un homme orgueilleux. Mungu Dieu n'aime pas un homme qui est prétentieux. Dieu aime un homme qui s'humilie. Si tu veux être ami de Dieu, il faut aller t'humilier. Dès que tu t'humilies, je te dis mon frère, tu ne recevras jamais de défaite aucun jour. Ils ont dit, cet homme-là, il était de cette manière. Mais si toi tu répares devant Dieu, Dieu sera de ton côté. Le roi espérait en ses soldats. Il espérait dans ses armes. Mais un homme de Dieu, lui espérait seulement en Dieu. Nous n'espérons pas dans des députés. Non. Nous n'espérons pas à la politique. Mais nous espérons en Dieu. Parce que Dieu, s'il voudrait qu'il y ait la paix aujourd'hui, elle viendra. Mais l'homme ne peut jamais apporter la paix. Regardez, il a sorti 50 000 avec leur colonel. Montez à la montagne. C'est Elie-là. Comme c'est un homme de Dieu. Allez, descendez avec lui. Il verra comment je vais agir. Lorsqu'ils sont allés, ils sont arrivés avec des brutalités devant le serviteur de Dieu. C'est pourquoi ma soeur, toi, enfant de Dieu, tu es heureux. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu, c'est ce que tu diras. Mungu wako ataitika. Ton Dieu va l'exaucer. Toi, reste seulement avec la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, ce que tu prononceras, Mungu ataonore. Dieu va l'honorer. Ils sont arrivés devant les prophètes. Ils lui ont dit, toi prophète, c'est toi qui es l'homme de Dieu. On nous a envoyés. Allez, qu'on descende avec toi chez nous. Ils sont allés avec des brutalités devant l'homme de Dieu. Et la Bible dit, un enfant de Dieu, c'est un œil de Dieu. Tu es un œil de Dieu. Dieu est jaloux de son œil. Comme ces sourcils ici ont des jalousies, de l'œil. Même si l'insecte voudrait venir, vous allez voir les paupières vont fermer l'œil. C'est comme ça que Dieu a la jalousie à nous. Elie a dit, vous venez avec l'outrage. Vous venez avec des armes. Vous venez avec des colonels. Mais moi j'ai Dieu. Je vais dire à Dieu, il va descendre le feu du ciel. Vous serez tous consumés. Amen. On ne peut pas se moquer d'un enfant de Dieu. Lorsque tu te moques de l'enfant de Dieu, tu seras consumé. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont un pare-choc. Même s'il y a quelque chose qui veut les atteindre, ça va se rencontrer d'abord avec le sang de Jésus-Christ. L'effet de Dieu avait tout consumé. Avec tout consumé. Dieu est vrai. N'allez pas consulter d'autres dieux. Nous avons déjà abandonné les habitudes de Kabila. Nous sommes maintenant dans le monde de Christ. Lorsque tu t'appelles chrétien, c'est-à-dire en Dieu. Pour la chrétienté, ce n'est pas le fait de venir dans le temple. Je dis, dans les loges, ils viennent beaucoup de gens. Mais Dieu, il cherche un véritable chrétien. Amen. Ce soir, dès que le diable descend ici, il va commencer à compter les chaises. 20 chaises. 40 chaises. 50 chaises. 500 personnes. 500 personnes. Il va compter le nombre des gens. Mais dès que Dieu descend, lui ne va pas compter le nombre des gens. Il va peser les véritables chrétiens. Il va peser les véritables chrétiens. Peut-être il n'y aura que toi seulement. Mais le diable, lui, voit le nombre des gens. Dieu, lui, voit la qualité des gens. Amen. Isaïe Suramunane. Même si tu tombes malade. Même si tu tombes malade. Venez devant Dieu. Même si tu as des difficultés. Ça te dépasse. Venez à Dieu. Dieu, c'est Dieu seul qui peut tout. Frère, mon frère, Dieu peut tout. L'homme ne peut rien comme Dieu. Dieu, lui, il peut tout. Même si l'on te disait, là-bas, c'est ça la finalité. Dis-le. La finalité, c'est Jésus. C'est ça la finalité. Et c'est ça notre réponse. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Si l'on vous disait, allez consulter les devins. Allez consulter les gens qui évoquent les morts. Et te deviner l'avenir. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter cela. Toi, enfant de Dieu, tu vas les refuser. Parce que devant les tombes, bon, ils sont déjà morts. Dans les tombes, il n'y a plus rien de vie. La vie se trouve avec nous aujourd'hui. Lorsque quelqu'un meurt, tout s'arrête avec lui. Vous allez consulter les morts, vous vous dérangez. Dans les tombes, il y a un silence. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Et Taïfa, Aïta Mouliza Mungouaki. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est seulement l'enfant de Dieu qui répondra. Un enfant de Dieu. Et est-ce qu'il ne va pas consulter son Dieu? Notre problème à nous, c'est de consulter Dieu. C'est Dieu que nous adorons. En dehors de ce Dieu, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ici, il n'y en a pas d'autre. Même dans la tombe, il n'y en a pas d'autre. Même dans le ciel, il n'y en a pas d'autre. Il est seul, unique. Il est seul. Il n'y a personne comparable à Dieu. Même nous qui sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes tellement des esclaves.